Thank you. J'aimerais bien te piquer ton internet, mais toi tu ne veux pas. Je chante n'importe quoi. We'll be right back. parole sur ma tablette. À moi, vous ne le verrez plus, vous ne le verrez pas. Ce qu'il me reste. Il est fort mon synthé, non? C'est pas trop fort mon synthé? Je suis un très mauvais ingénieur du son. Mélancolique et ailleurs. Mélancolique et ailleurs. Mélancolique et alors. Plus pudique que la pudeur. mais de vous à moi, je l'étais déjà autrefois. Apostolique, pâleur, joie de l'idylle par les fleurs. Parfois je ris de bon cœur, mais de vous à moi, vous ne verrez plus, vous ne verrez pas. Une machine, elle a cassé la machine, Karma. Marche plus ta machine, Karma. Bonsoir Paris. Oh, il a cassé la machine. Mélancolique et ailleurs, mélancolique et alors, plus pudique que la pudeur, mais de vous à moi, j'étais déjà autrefois. Ben moi ça marche sur... carte son qui se met à fonctionner, je comprends pas pourquoi. J'ai fait juste. Attends, j'enlève l'effet. En fait, j'ai juste changé un truc, et... mais elle est vraiment instable cette carte son. En fait, elle marche pour 4 pistes, il faut se mettre en 16 bits, 1644, je crois, hein, si je me trompe pas. Et donc, il a fallu que j'aille dans les, dans les réglages de Reaper. J'ai mis en 1644. Et apparemment, ça marche. Sauf que demain, je vais la rallumer, ça va faire.